and they're gonna say no. And then everybody gonna start talking and talking and blah blah everywhere you go. And you know something? You try to give another man a helping hand. You know what he's gonna do? He's gonna take your kindness for a weaker stand. You try to do for others what you'd like for them to do to you. Forget it. It's gonna be some other kind of thing. So you try to give another man, now listen, a helping hand. He will take your kindness for a weaker stand. Never do to others what they do to you. This world today is a mess. Le monde d'aujourd'hui, c'est le bordel. C'est ce que dénonçait en 1972 Donna Hightower. Mais aujourd'hui, c'est fini tout ça. Le monde, ce n'est plus le bordel, puisque président Chirac a eu l'idée d'une gouvernance écologique mondiale, une initiative dont les requins de l'OMC sont sans aucun doute complètement jaloux, non ? Alors, dans quelques jours, c'est donc la Saint-Valentin, cette jolie fête des amoureux, qu'on t'impose chaque année dans son écrin rose bonbon comme une crise d'amour facturée. Et cette semaine, face à l'amour ambiant, la panique au Mangin Palace a préféré consacrer une émission à un autre sentiment au cœur des belles amours, à savoir la jalousie. Alors, c'est quoi la jalousie ? Eh bien, c'est tout d'abord une émotion violente qui naît du dépit de ne pas avoir ce qu'un autre possède. La jalousie, c'est également l'inquiétude que le sentiment amoureux ne soit pas partagé par la personne désirée. Mais la jalousie, c'est surtout l'une des premières émotions ressenties par l'homme et même par les dieux, figure-toi. Ainsi, dans l'Olympe des Grecs anciens, tout le monde est jaloux de tout le monde. Une pomme mal attribuée sème la discorde et les infidélités constantes conduisent à de violentes colères. Ainsi, quand il rentre à la Casbah, Zeus lui-même, il a intérêt de rendre des comptes à Héra, son épouse. Où t'étais ? Invité par des potes à une de fer, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais ? C'est vrai ! Je te connais par cœur, j'aimerais savoir pourquoi tu agis comme un voleur. Tu te fais des films, je ne voulais pas te réveiller, c'est tout. Arrête avec tes questions, dis-moi plutôt à quoi tu joues. Je joue à la fille qui en a marre de te voir en état. Tout ça parce que tu préfères traîner avec les lascars. Il est tard, chérie, écoute le peloton, tu fais trop de bruit. Ce ne sont pas des lascars, ce sont mes amis. Pourquoi m'appelle-t-il quand tu n'es pas là? Sans doute par respect et déférence envers toi. Les bâtards. Les bâtards, c'est sûr, c'est une spécialité de Zeus l'infidèle. Mais la jalousie que l'on retrouve dans les mythes fondateurs n'est pas seulement causée par des histoires de fesses. La Bible et le Coran nous explique qu'au tout début de l'humanité, Dieu a demandé une offrande à Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. Un peu comme Pépé demande à ses petits-enfants de lui faire un dessin. Caïn, l'agriculteur, apporte le fruit de ses récoltes et Abel, l'éleveur, offre les premiers-nés de son troupeau. Mais Dieu, très exigeant, dit en gros à Caïn « Ton cadeau y pue, je préfère le bidule à ton frère ». Alors Caïn, ivre de jalousie, tue Abel, le premier meurtre de l'humanité et donc un crime passionnel. Une affaire judiciaire assez facile à résoudre d'ailleurs, vu le nombre d'habitants sur Terre à l'époque. La jalousie, c'est donc le moteur d'action négative, mais elle peut également être utilisée comme un outil de domination. Ainsi, une femme peut choisir de rendre un homme jaloux pour le coucher à ses pieds. La belle Cléopâtre a joué de ses charmes avec Ptolémée XIII, puis Ptolémée XIV, puis César, puis Antoine et peut-être même Octave. C'est ainsi que Cléopâtre a su conserver, un temps au moins, la grandeur de son Égypte. Il marche le regard fier, mes hommes, moi devant et eux derrière, mes hommes. Et si j'allonge le pas, ils me suivent pas à pas. Je ne leur échappe pas, mes hommes, où que je sois, ils sont là, mes hommes. Je n'ai qu'à tendre les bras, en somme. Je les regarde venir, fiers de leur appartenir. C'est beau de les voir sourire, mes hommes. Mais bon, attention, à force de jouer avec la jalousie, on finit par se faire mordre par un aspic. Pourtant, gouverner en s'appuyant sur la jalousie, c'est un grand classique. Louis XIV, par exemple, en accordant l'accès à sa personne royale à certains et pas à d'autres, attisait ainsi les convoitises et les rivalités, bien sûr. Le service du roi en était d'autant plus efficace. Alors justement, comment fonctionnait cette cour du roi Louis XIV, me diras-tu ? Eh bien, expliquez-nous ça, monsieur Trémolin. Supposez une cour de ferme où il y a une vingtaine de poules et cinq ou six coqs. Ils se sont battus entre eux, ces coqs, quand ils étaient tout petits poussins. Et leur 8e jour, exactement. Des batailles de poussins, pas graves, mais définitives. Le vainqueur de ces duels sera toujours dominant par rapport au vaincu. Ce qui fait que quand vous avez 5 ou 6 coqs pour une 20aine de poules, il y a toujours un dominant, un numéro 1, et puis un sous-dominant, et puis un coq de 3e catégorie, etc. jusqu'au 6e. Et le dominant, le caïd, a droit de priorité sur toutes les poules. D'où la fameuse traduction des cocoricots. Le premier cocoricot, je baisse quand je veux. Le second cocoricot, je baisse quand je peux. Et le troisième, Dieu que vous êtes heureux. Bon, seulement, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, le coq dominant ne tolère absolument pas que le numéro 2 ou le numéro 3 coche, c'est comme ça qu'on dit pour les coqs, coche les poules. S'il s'y aventurait, il prendrait une raclée. Mais le pauvre dernier, celui-là, le coq dominant le laisse faire ce qu'il veut, pas d'importance, trop petit personnage pour combler l'ombrage de ses fornications. D'où cette conclusion que nous allons trouver plusieurs fois, le coq est jaloux de son rang social, de sa place de dominant dans la société, beaucoup plus que de ses poules. Le coq est jaloux de son rang social, beaucoup plus que de ses poules. Il n'y a pas à dire, les politologues ont tout intérêt à s'intéresser à l'éthologie. Eh oui, l'homme puissant peut utiliser la jalousie, mais il peut également en être victime. Ainsi, ce pauvre Bonaparte, tout juste marié avec Joséphine, et alors qu'il se trouve coincé en Égypte, apprend les infidélités de sa créole restée à Paris. Et quand il rentre enfin en France, ça barde sévère pour Joséphine. Je supporte plus les disputes. Tu me traites de conne, tu me traites de pute. Je supporte plus les disputes. Les portes qui claquent, les mots qui frappent, des mains qui me tapent. Je supporte plus les disputes. Il me traite de conne, il me traite de pute. J'ai pas plus les disputes. Ils sont infâmes les hommes qui frappent les femmes. Eh oui, c'est vrai ça. Dans un couple, il n'y a rien de plus fatigant que ces disputes continuelles. Et pourtant, personne, mais vraiment personne, n'est épargné par la jalousie. Comme par exemple ce couple très célèbre des années 80. Au début de 1986, pour la première fois dans l'histoire de la 5e République, majorité présidentielle et majorité parlementaire ne coïncident pas. François Mitterrand n'est pas du genre à laisser piétiner ses plates-bandes. Monsieur le Premier ministre, vous jugez également que c'est un bon conseil ? Mais si vous permettez, il y a une conférence de presse, bien entendu, monsieur le Premier ministre est là, et tout à fait normal qu'il en soit levé, mais il n'y a pas deux conférences de presse à la fois. Donc, nous verrons à nous répartir les réponses. Et de toute façon, il n'y a pas deux avis différents sur des problèmes de cette nature. Ah là là, ce n'est pas facile la vie de couple avec un jaloux. Car la jalousie, c'est aussi une pathologie qu'il faut réussir à soigner. Cette vocation louable est de nos jours dévolue à un groupe de psychologues spécialisés dans l'étude psychique de ce trouble compulsif. D'ailleurs, ces spécialistes nous livrent régulièrement l'état de l'avancée de leurs recherches. Extrait. Je vous explique, ça ne va pas passer par 3 chemins. C'est où elle s'explique tout de suite et on en finit, ou moi je m'en vais tout de suite à droite et on n'en parle plus. Alors dites-lui qu'elle s'explique, sinon ça va partir en live cette histoire, ouais, je vous le dis. Hein. Moi j'ai laissé rentrer personne dans ma chambre, j'ai embrassé personne, j'ai déshabillé personne, j'ai couché avec personne. Ah, parce que moi j'ai déshabillé quelqu'un, moi. Harry, j'ai vu les images. J'ai déshabillé quelqu'un. Non, la fille s'est déshabillée devant toi, excuse-moi. Mais elle a un grand problème psychologique cette fille. Hein. J'ai dit, elle s'est déshabillée devant toi, tu l'as embrassée dans le cou, tu l'as embrassée sur la bouche, et là elle s'est déshabillée. Et c'était la brune, et c'était dans ta chambre. Pour Emeline et Harry, l'aventure se termine par une séparation. Et oui, aujourd'hui, la jalousie fait vendre des programmes de télévision où les confessions intimes et les tentations sont fabriquées à la demande. Mais rassurons-nous, il y a fort à parier que le 14 février prochain, mercredi soir donc, pour la Saint-Valentin, la télé nous offrira une soirée élégante et mielleuse pour nous faire du bien au-dedans de nous. Au-dedans de moi, ta lumière. Au-dedans de moi, tes pensées, au-dedans de moi, ta Dedans de moi, c'est ce que fredonne Jean-Louis Murat sur son dernier album intitulé Taormina. Taormina, c'est une petite ville d'Italie dans la province de Catane, face à l'Etna, que les Siciliens comparent carrément à Saint-Tropez. C'est ça, ouais. Vantard et jaloux en plus. Alors maintenant, après avoir tenté de décrypter combien l'envie et la suspicion gouvernent les rapports humains, eh bien, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux différents comportements des jaloux. Oui, mon ami, dévoré par la jalousie, jusqu'où irais-tu ? Primo, il faut admettre que la jalousie n'attend jamais très longtemps pour gangréner ton esprit. En réalité, tu la rencontres très jeune. Qui n'a pas le souvenir, par exemple, de vouloir pousser dans l'escalier ce petit con de Cédric, chétif et binoclard, mais chouchou proclamé de la maîtresse en CE2 ? Quelle femme ne se souvient pas non plus d'avoir eu envie au lycée de traîner par les cheveux cette pétasse de Caroline, plus idiote et plus vulgaire que toi, certes, mais qui séduisait tout aussi bien Anthony que Christian, qui, eux, durant toutes ces années, bien entendu, ne t'ont jamais remarqué avec ta jupe écossaise plissée et ton soupule grenat en acrylique. C'est ainsi qu'à l'âge adulte, chacun d'entre nous a déjà une bonne notion de ce merveilleux sentiment qui consiste, grosso modo, à vouloir exterminer ses rivaux. Seulement voilà, être jaloux, ce n'est pas très glorieux, puisque la morale condamne ce sentiment de l'aigreur et de l'amertume. Donc, bien souvent, lorsque naît une relation amoureuse, l'homme jaloux préfère éviter bien sûr de passer pour un dangereux psychopathe auprès de sa donzelle. Ainsi, dans un premier temps, lorsque certains doutes lui ravagent le cœur, l'homme jaloux se veut discret. Ce type-là, il est sympa, hein ? Quel type ? Je ne connais pas de type. Oh, je ne sais plus son nom, là. Comment tu l'appelles ? Daniel ? Dani ? David. David, c'est ça. Très sympa. Il est sympa, mais je mettrais bien marron, moi. Et voilà. Même discret, l'homme jaloux ne cache guère ses réelles intentions, un marron. Et puis, au fil du temps qui passe, l'homme jaloux se persuade que le désir de sa donzelle à son égard ne peut que se réduire. Aussi, ce bougre est-il de plus en plus tenté d'espionner sa poupée. En cherchant les clés d'auto, j'ai fouillé comme un salaud dans ton sac. J'ai mis un sacré boxon, j'ai tout chamboulé dans ton bric-à-brac. C'est pas les plus élégants, ça ressemble à un mauvais plan, une arnaque. Je voulais connaître tes secrets, au risque de me manger quelques claques. Enfin bon, on peut se demander au passage qui se prend réellement des claques d'ailleurs. Car malheur à celle qui aurait alors laissé traîner dans son sac un quelconque numéro de portable sur un pauvre post-it par exemple. Parce que là, ça devient très vite coton. Justification, accusation, sanction, salope. Bref, l'homme jaloux finit toujours par être dévoré par sa névrose. Ainsi, après avoir été rongé par la jalousie pendant plusieurs années, il en devient réellement malade. Non, moi je suis tellement amoureux que je suis jaloux. Pas jaloux tranquille, hein. Pas jaloux genre... Pas jaloux laïque. Des fois, elle sort de sa douche, lui dit « Théo !» Mais heureusement, moi, je me suis fait soigner. J'ai pas peur de le dire. Hein. J'ai été voir quelqu'un pour ça. Voir quelqu'un, ça veut dire voir un psy. Je vous le dis tout de suite. Hein. Les gens, quand ils voient des psys, ils disent pas « Je vois un psy », ils disent « Je vois quelqu'un. Ouais. » T'as quelqu'un, toi, hein, de personne ? Je vois quelqu'un depuis longtemps. Ouais. Ou bien ils disent « Je me fais suivre. » Je ne vais pas suivre. Je peux te dire que moi, le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. Moi, j'étais voir ce psy parce que j'étais trop possessif, mais je vais plus le voir. Il m'a énervé, j'ai appris qu'il avait d'autres patients. Eh oui, quand on est jaloux, on ne s'en sort jamais, c'est une obsession. Cela dit, attention, voilà quelques minutes qu'on évoque ici la jalousie masculine. Très bien, mais que dire maintenant du comportement des femmes jalouses ? La femme jalouse est à la fois une malade et une espèce d'infirme. C'est une aveugle qui voit trop. C'est une folle intermittente qui a perdu la raison au milieu des cauchemars qu'elle avait elle-même inventés. Et c'est une malade incurable parce que la jalousie naît avec l'amour, mais ne finit pas forcément avec lui. Si bien qu'on peut parfaitement être torturé en octobre 62 par une femme qui a cessé de vous aimer depuis février 54. Alors, question. La femme jalouse serait-elle moins hystérique aujourd'hui que ne le prétendait Marcel Achard en 1962 ? Va savoir. Mais bon, je te donne un conseil. Franchement, faut faire gaffe quand même, hein ? On va terminer ce journal avec l'incroyable vengeance d'une Thaïlandaise jalouse. Son mari la trompe. Alors un soir, elle met un somnifère dans son repas. Une fois l'homme endormi, elle tranche son sexe avec un couteau. Elle attache son trophée à un ballon rempli d'hélium et confie le précieux colis aux bons soins des vents de Thaïlande. C'est ce qu'on doit appeler le raffinement thaïlandais. Sanction sévère pour cet homme adultère. Tout à coup, certains d'entre vous ont tremblé, n'est-ce pas ? Mais il y a pire encore que cette furie thaïlandaise. C'est la jalousie des femmes entre elles, bien sûr, qui parfois les conduisent malheureusement jusqu'au crime passionnel. Je voudrais finir par une histoire absolument authentique, une histoire de jalousie, car les fauves sont jaloux. Et il y a un exemple, c'est Wojciech Trubka, que je considère comme un des plus grands dompteurs de tous les temps. Il présentait à l'époque un groupe de 8 tigres. Et le matin, quand le cirque se montait sur les places, il prenait une jument à l'écurie Hagenbeck et il parcourait le cirque comme ça. Et il passait fréquemment devant la cage de ses tigres. Il y avait une tigresse qui, en le voyant passer, immédiatement se ruait sur les barreaux et n'aimait pas la jument, visiblement. Parce qu'elle aimait Parce qu'elle aimait le dompteur. Ah ouais. Et un soir, cette bête qui avait préparé son coup depuis longtemps a réussi, avec ses griffes, à traverser le plancher de la cage. Elle est allée à l'écurie, où il y avait 80 chevaux. Elle est allée sans se faire entendre jusqu'à la jument. Elle l'a passée choisie derrière tous les chevaux. Derrière tous les chevaux. Elle l'a choisie parmi les 80 bêtes et elle l'a saignée. À ce moment-là, ça a fait un branle-bas de combat terrible. On est allé réveiller Trubka dans sa caravane. Trubka est arrivé. Il a trouvé la tigresse sur la jument qui venait d'être saignée. Il l'a ramenée à sa cage comme un gros chat par l'oreille. Eh oui, mon ami. Même en matière de jalousie, il n'y a rien de plus évocateur que le règne animal. Alors maintenant, pour être un peu plus complet justement sur les différents comportements que peut provoquer la jalousie, il faut, je crois, laisser la parole à Frédéric Potcher, célèbre chroniqueur judiciaire des années 50, qui vient nous raconter à sa manière une brève de prétoire et qui devrait nous mettre tous en garde, tout aussi bien les femmes que les hommes. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Il n'y a certes pas de bonheur sans amour, mais une certaine modération dans l'amour ne messied pas. Et pour ne l'avoir pas compris, le jeune Dominique Sousse, 24 ans, a passé 2 mois en prison. Dominique, qui fut un jeune homme raisonnable et sensé, rencontre Irène sur une plage de l'Atlantique. Pas de doute, Irène est d'une beauté remarquable, grande, brune, un port de reine, des yeux de feu, si bien que Dominique flambe. La chance veut que les familles s'entendent, on marie ses chers enfants à l'église de Passy quelques semaines plus tard. Dominique avait alors 21 ans et Irène, la très belle Irène, 20. Environ un mois après que nos jeunes mariés étaient rentrés de leur voyage de noces, un dimanche après-midi, tandis qu'ils se promenaient avenue du Maine à Paris, vint à passer un jeune homme. Un jeune homme qui croisa Irène et Dominique.

Elle est toute excitée, Chantal, d'aller à Paris, de dormir à l'hôtel et surtout de voir en vrai celui qu'elle admire tant. Louis Bernard, son mari jaloux, ne partage pas son admiration pour Pépé Déa. Ce genre de type vient s'appeler obséquieux que toutes les boîtes recherchent, non? Je ne vois pas les choses comme ça. Une carpette, une immense, une sole, le cadre parfait pour la banque ou le commerce, non? Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Comme ça? Il est gentil et serviable. C'est exactement ce que je dis. Mais oui, il est gentil et serviable, Pépé Déa. Mais en vérité, ce n'est pas lui que Chantal admire, c'est plutôt Nicolas Sarkozy. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais elle le trouve formidable. D'ailleurs, Chantal est une fringante militante de l'UMP et elle a toujours une photo de Nicolas dans son portefeuille. Très jaloux, Louis Bernard, le mari de Chantal, décide alors de téléphoner à la section UMP de Nice où sa femme est sans cesse fourrée. Allô ? J'ai un problème personnel, enfin conjugal. J'ai au départ un doute sur la fidélité de ma compagne et... Enfin, un doute, une quasi-certitude, quoi. Et je voudrais savoir ce qui se passe, parce que... certains jours, je l'appelle, elle n'est pas à son travail, on me dit qu'elle est en réunion, moi je suis persuadé qu'elle n'est pas là. Assez souvent, il y a des appels sur son téléphone portable. Enfin, elle se cache pour prendre ses appels, il y a des anomalies, ça déplaît, quoi. La militante responsable du Standard explique alors à Louis Bernard que tous les membres de l'UMP reçoivent régulièrement des textos de Nicolas et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Malgré cela, Louis Bernard reste méfiant. Il va donc tout de même accompagner sa femme à Paris pour l'émission « J'ai une question à vous poser, pas question de laisser Chantal seule ». Louis Bernard et Chantal sont donc à Paris. Lui est dans la chambre d'hôtel et regarde en direct sa femme Chantal parmi les 100 Français sélectionnés pour poser des questions à Sarkozy. Louis Bernard, il est fou de jalousie. En ce moment, sa femme est avec son rival et lui, il ne peut rien faire. Devant la télé, Louis Bernard ronge son frein tant bien que mal jusqu'à ce qu'il entende Nicolas Sarkozy déclarer « Cet amour s'inscrit dans la durée et cet amour, comme tous les amours, ce qui est la différence entre l'amour et le désir, doit avoir une existence sociale. » Quelle est la caractéristique, pardon, mais je vais prendre deux minutes parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Quelle est la différence entre l'amour et le désir? L'amour s'inscrit dans la durée et veut s'exprimer. Je t'aime, tu m'aimes, on veut que tout le monde le sache. Pour Louis Bernard, c'est clair. Cette déclaration de Nicolas s'adresse directement à Chantal, sa femme. Alors c'est décidé, il va rejoindre le plateau de TF1. Le temps de se préparer et de faire le trajet, l'émission est déjà terminée. Louis Bernard débarque donc pendant le cocktail qui a lieu après l'émission. Il est prêt à faire une scène à Chantal, mais c'est sur Nicolas Sarkozy qu'il tombe en premier. Sarkozy s'approche de Louis Bernard et, en bon communicant, Nicolas lui présente les personnes qui se trouvent autour de lui. Mesdames Merlot, Berlicot, Tricard, Fougas et célibataire, enfin, ma femme. Oh, enchantée, madame. Oh non, pas ça. Cécilia, si vous préférez. Cécilia. Je préfère, madame. Bon, n'oublie pas de changer de chemise tout à l'heure, veux-tu? Oui, Cécilia, ma chérie. Voilà. Bon, venez. Nicolas Sarkozy s'éloigne ensuite vers un autre groupe d'invités et Louis Bernard reste seul avec Cécilia Sarkozy. C'est alors que Louis Bernard aperçoit Nicolas Sarkozy en train de parler à sa femme, Chantal. Il est fou de rage, mais il se rend vite compte que Cécilia est tout aussi jalouse que lui. Vous avez vu cette catin avec lui? Quoi? Quoi? Vous la trouvez jolie? Ben, je ne crois pas que ce soit normal. C'est probablement une de ces putes du réseau porno. Il n'y a qu'à faire un numéro pour avoir une hôtesse. Hein, une hôtesse, c'est comme ça qu'on les appelle. Bonne masseuse, ils disent. Ah, tu parles, mon cul, c'est 36 cases turlutes le numéro. Louis Bernard est très mal à l'aise à l'écoute des propos de Cécilia. C'est quand même de sa femme dont elle parle. Mais il est surtout de plus en plus dévoré par la jalousie. Il faut que son épouse cesse de parler à Sarkozy, sinon ça va moucher rouge. Discrètement, Louis Bernard s'approche pour écouter ce que Nicolas dit à Chantal. J'aimerais bien pouvoir remplacer des amis pour être seul dans ta vie. Être seul dans ton cœur et dans ton âme, seul à connaître des joies, seul à partager tes larmes. Je te veux tout à moi, sans avoir à nous cacher, sans essayer de tricher. Montrons-nous un exemple à tous les autres, et surtout ne soyons pas un amour parmi tant d'autres. Je te veux tout à moi. Louis Bernard s'apprête à mettre un bourre-pif à Sarko, mais il s'aperçoit que le ministre candidat est accompagné de ses gardes du corps. Alors Louis Bernard fait un petit signe à sa femme, puis s'éloigne avec sa jalousie. Lui, il te couve fiévreusement. Toi, tu l'approuves en souriant. Lui, il te guette et je le vois. Toi, tu regrettes que je sois là. Et moi, dans mon coin, si je ne dis rien, je vois bien votre manège. Et moi, dans mon coin, je cache avec soin cette angoisse qui m'étreint. Enfin, après quelques minutes de conversation, Nicolas quitte Chantal. Louis Bernard en profite alors pour rejoindre rapidement son épouse, à qui il demande des explications. Merde ! Il est entré. Je l'ai trouvé très beau. Toutes les femmes sont alors allées à lui pour lui demander des autographes. Oui. Il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite. Et après ? À la fin du spectacle, il est revenu et... Mais il m'a demandé de... Enfin, comment dirais-je, de... Enfin... Oui, je vois très bien. Parce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné. De faire du ciné ? Non, d'être fasciné. Non. Eh bien, j'en doutais moi-même, je l'ignorais, je me disais c'est faux, on n'est pas fasciné, on est fidèle ou on ne l'est pas. Eh bien, je me trompais. Ça existe, oui, on peut être fasciné. J'en suis la preuve. Cet homme a quelque chose à lui, je ne dis pas de diabolique. Mais divin. Ben exactement. C'est fabuleux. C'est fabuleux, ouais. Louis Bernard se rend compte que sa femme est en train de fantasmer sur un homme politique. La crise de jalousie au milieu du cocktail offert par TF1 attire bien sûr tous les regards, surtout quand la conversation tourne à l'engueulade. Mais c'est pas croyable, tu me suivais ? Je te suivais pas. Mais si tu me suivais ? Moi ? Parce que je marche derrière toi depuis 100 mètres, les yeux rivés sur toi ? C'est pas suivre, ça. Bon, alors quelle est ta définition de la filature ? Filer, c'est très différent. Là, moi, je t'espionnais. Tu te rends compte que tu es complètement paranoïaque ? Paranoïaque, mais je te vois enlacer un type comme ça, sous mes yeux. C'est vraiment la plus mauvaise des paranoïas. Dis donc, c'est toi qui voulais que nos rapports gardent une souplesse minimale. Tu t'en souviens, c'est ton expression. C'est pas le problème. Tu te rends compte que t'es en train d'avoir une aventure avec ce gland qui vous dégoise ses incroyables inepties sur l'homme et la crise. Nous n'avons pas une aventure. Il est marié et il trouve que je suis une fille très chouette. Tout ça, c'est de la masturbation mentale. Ah bien, nous abordons enfin un sujet dans lequel tu es passé maître. Dis donc, respecte la masturbation, hein. C'est faire l'amour avec quelqu'un que j'aime. La masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un qu'on aime, c'est sûr. Chantal, elle ne sait pas quoi répondre à Louis Bernard. Alors, tous les deux quittent le cocktail de TF1. Cette histoire de masturbation, elle y repensera. C'est peut-être une solution. Mais bon, pour le moment, Chantal rentre à Nice avec son fiancé qu'elle aime vraiment, mais qui la surveille et se méfie. J'ai un fiancé que j'aime vraiment beaucoup, mais il me surveille et se méfie de tout. Nuit et jour, il est aux aguets de tout ce que je dis, de tout ce que je fais. Il est tellement jaloux. Oh là là là là là. Me dit des mots gentils. S'il devient trop entreprenant, toute la soirée c'est la tête d'enterrement. Il est tellement jaloux. Oh là là là là là là là là là. Car il m'aime comme un fou. Si au restaurant il arrive par hasard que d'un inconnu je croise le, il se montre tellement furieux que je ne sais vraiment plus où poser les yeux. Il est tellement jaloux. Oh là là là là là là là là là. Car il m'aime comme un fou. Dans un ascenseur, un jour nous étions trois. Un monsieur très bien, mon petit chéri et moi. On était un peu trop serré. Il a tout arrêté, on est monté à pied. Il est tellement jaloux. Oh là là là là là là là là là. Car il m'aime comme un fou. douce manie. Du soir au matin, il me complique la vie. Mais j'en connais dont le seul désir serait d'être à ma place afin de pouvoir dire: il est tellement jaloux, jaloux. Oh là là là là là là là là là. Car il m'aime comme un fou. Il est tellement jaloux, c'est ce que constatait Sheila en 1969. Sheila aussi, ce que doivent se dire les militants socialistes quand ils entendent M. Sarkozy revendiquer l'héritage de Jaurès ou de Léon Blum. Sheila Meyer, il est tellement jaloux. Alors, pour prolonger notre péripétie autour de la jalousie, il est grand temps ce matin, à 11h45, de retrouver nos deux envieux, les grands exclusifs que sont Monique et Jean-Claude. Avant tout, il faut savoir que depuis quelques mois, dans leur lotissement rue des Bruyères, Monique et Jean-Claude ont de nouveaux voisins, Monsieur et Madame Baudard, avec qui, il faut bien l'admettre, les relations ne sont pas folichonnes. Ils se disent à peine bonjour, Monique, elle, estime que leurs enfants sont très mal élevés, en tout cas bien moins que Rémi et Elsa, et Jean-Claude, lui, ne supporte pas que M. Baudard, il y a quelques jours, ait acheté la même bagnole que lui. Qui plus est, voilà qu'il y a quelque temps, M. Baudard a visiblement obtenu une belle promotion professionnelle, ce qui exaspère d'autant plus Jean-Claude. D'ailleurs, samedi dernier, au petit déjeuner, Jean-Claude, un brin jaloux, dressait à Monique la liste de ce que les Baudard s'étaient offert récemment. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Monique assure alors à Jean-Claude qu'il ne faut pas s'attarder à de telles comparaisons matérielles et que pour rien au monde, elle n'échangerait sa vie contre la leur. Jean-Claude rétorque qu'il en a ras la chapka, lui, de l'arrogance sociale des Baudard. Mais Monique refuse de se laisser gagner par d'obscurs sentiments et d'ailleurs pour elle, les choses sont très claires. Sur ce, Jean-Claude décide alors de sortir faire un tour pour aller acheter son journal, une baguette pas trop cuite et quelques jeux à gratter, on ne sait jamais. Et une demi-heure plus tard, sur le chemin du retour, Jean-Claude Furax croise Madame Baudard, la voisine. Il est à vous ce chien ? C'est fait mal. Poli, hein, je vous en prie, oui, il est à moi ce chien. Eh ben, faut lui mettre une isolière alors, parce qu'il est dangereux. Il m'a fait mal en plus ce con-là. Il l'a mordu. Et qu'est-ce que vous lui avez fait ? Moi, qu'est-ce que je lui ai fait ? Je marchais sur le trottoir, il y a quelque chose contre les gens qui marchent ? Elle est pas bien, elle. Il doit avoir ses raisons, il mord pas gratuitement. Il a dû se passer quelque chose. Je vous dis que je marchais sur le trottoir, j'ai rien fait du tout, ça va maintenant ? Oui, arrêtez de crier, monsieur, je vous assure, c'est pénible. On peut parler calmement. Je vous mords au mollet, moi, vous allez voir si vous restez calme. Putain, tu crois qu'elle s'excuserait ? Bon, ça va ! Excusez-le, voilà. Sale clébard, se dit Jean-Claude, aussi con que sa maîtresse, celui-là. Cela dit, grand spécialiste canin, Jean-Claude a immédiatement constaté qu'il s'agissait d'un chien nu mexicain extrêmement rare et qui coûte 2500 boules, dis donc. Décidément, ce Baudard ne se refuse rien. Égaré dans sa jalousie, Jean-Claude n'a pas du tout remarqué qu'une voiture stationne alors juste devant chez lui. À l'intérieur de cette bagnole, deux inconnus s'amusent de ce qu'ils constatent. Regarde les deux baraques. On est tombé en plein championnat. Comment ça ? Bah, ils font tout pareil. Seulement toujours un peu plus haut, un peu plus gros, un peu plus cher. Tu piges ? Les jaloux, les envieux. Tu peux être sûr que quand Madame A va décider de se payer un malheureux sapin, Monsieur B va nous planter une allée de séquoia. Ils ont la même voiture, mais essence, diesel. Monsieur s'installe une fontaine, Madame veut un moulin. Celui-là, il a un ulcère, l'autre, il va se laisser pousser un cancer. Allez. Et c'est vrai que depuis sa promotion, Monsieur Baudard n'a cessé de copier, mais en plus grand, bien sûr, le jardin et la maison de Monique et Jean-Claude. C'est alors qu'installé confortablement dans son sofa, en train de feuilleter l'Équipe magazine, Jean-Claude sursaute. Il se lève et ouvre la porte. Excusez-moi de vous déranger, mais on avait rendez-vous avec M. Baudard. J'ai l'impression qu'il n'est pas là. Il n'est pas chez lui, là ? C'est curieux, sa voiture, pourtant. Mais je sais pas, on a sonné, ça répond pas. Je sais pas quand il va revenir. T'es j'en sais rien, c'est pourquoi ? C'est dommage. On avait convenu de se voir aujourd'hui. Ben, il va être déçu. Il va être déçu, mais c'est pas de notre faute. Hein. Bon, mais excusez-nous, monsieur. Au revoir. Mais c'est pourquoi, là, je peux peut-être vous aider ? Jean-Claude, curieux bien sûr de savoir ce que manigance encore son voisin, décide donc de faire entrer chez lui ces deux inconnus qui venaient rendre visite à Monsieur Baudard. Donc, Jean-Claude leur sert un café et il apprend très vite que ces deux VRP viennent apporter leur devis pour la construction d'une piscine chez Monsieur Baudard. Alors là, c'en est trop, Jean-Claude s'énerve et affirme que c'est lui qui va leur acheter une piscine, merde. C'est combien ? Ben, ça dépend de vos revenus, monsieur. Mais là, Monique surgit et interrompt Jean-Claude. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. Eh oui, Monique sait trop bien qu'en France, pour éviter de susciter des jalousies, il ne faut pas révéler son salaire aussi facilement, même pour le devis d'une piscine, merde. Jean-Claude explique alors à ses deux visiteurs qu'il n'en peut plus. Baudard ne cesse d'entretenir une atmosphère de concurrence qui tourne à l'humiliation sociale. Forcément, Jean-Claude devient jaloux. Que ferait-il à sa place, hein? Le plus jeune d'entre eux répond à Jean-Claude que... Moi, je m'en fous, je m'en contrefous. Avec mon destin, je vais bras dessus, bras dessous. Je sais bien que je n'ai pas un radis, mais ça m'est égal, le bonheur me fait crédit. Aussitôt qu'une chose m'embarrasse, j'esquisse un sourire, je salue et je passe. Je n'en vis pas ceux qui ont des sous, je ne suis pas jaloux, moi je m'en fous. Ouais, c'est ça, se dit Jean-Claude, encore un idéaliste celui-là. Tu parles, toujours est-il qu'il porte une Rolex, ce con. Ça doit sacrément bien marcher, les piscines. Quand tout à coup, par la fenêtre de la cuisine, Jean-Claude aperçoit que Monique est dans le jardin en train de parler à Baudard. Eh ben, manquait plus que ça. Il drague sa femme maintenant. Excédé et jaloux, Jean-Claude ouvre alors discrètement la fenêtre pour entendre cette discussion qui va sans doute le transpercer de douleur. Mais visiblement, c'est le contraire. Ça chauffe sévère entre Monique et Baudard. Stupéfait des insultes proférées par Monique, Jean-Claude se précipite dans le jardin et constate que Baudard venait de jeter ses ordures sur les rosiers de Monique, salopard, et qu'en représailles, Monique, elle, venait de jeter à son tour des œufs pourris sur le chien de Madame Baudard. Jean-Claude se marre, puis enjambe la palissade des Baudard et se met à fracasser tout leur nain de jardin. L'extase, quoi. Là-dessus, Eugène Baudard lui pète une durite, il sort sur la rue et s'avance, pioche à la main, vers la bagnole du Jean-Claude. Je vais m'occuper de lui, ce coup-là. Soirée. Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Merde, c'est votre voiture? Je vous jure, c'est une erreur, j'ai cru que c'était la voiture d'un ami. Je voulais lui faire une blague. Bah viens avec moi, toi, t'es ma femme quand même. Plus pour longtemps. Autant que tu commences à t'y habituer tout de suite, c'est fini. Non mais qu'est-ce qui te prend, ça va pas? Reviens ici tout de suite, Lulu. Reviens, il faut qu'on discute. Eugène Baudard vient donc de faire une grosse boulette puisqu'il vient de fracasser la voiture des deux vendeurs de piscine. Oups. Ce qui n'est pas sans déplaire à Jean-Claude, bien sûr, d'autant que, visiblement, sa femme va le plaquer, ce gros plat de nouilles. Ainsi, lorsque la gendarmerie nationale vient constater les dégâts, Jean-Claude, vengeur et moqueur, s'approche alors de Monsieur Baudard pour lui rappeler quelques règles élémentaires. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences, c'est vrai. Faut le tout, tu sais. Faut le tout, c'est vrai. Faut le tout pour faire un monde. Faut le tout pour faire un monde. Tout cela étant dit, en réalité, Monique était folle furieuse après Jean-Claude samedi soir. Elle regrettait de s'être emportée après Baudard, car elle sait désormais que ses rapports de voisinage vont être une guerre de tranchées. Fin de l'histoire. Jean-Claude, lui, il s'en fout. Il se dit qu'il a gagné une manche contre le gros Baudard et que maintenant, certes, la vie sera dure, mais bon sang, quelle aventure! Quelle aventure, auparavant j'avais coutume d'éviter de la plume. Dorénavant j'assume, les foyers que j'allume. Aucunement lapidaire, mon feu se veut épistolaire. Entretenir par les mots le feu qui régnait naguère. Après un long périple, mon rap s'est posé. Outre-rein sur un pit confectionné par Mossé. Comme à son habitude, sans inquiétude, il élude le temps et toutes ses certitudes. Mais les games, c'est art et s'y implique. L'homme à la vie dont on en vit le caractère. Et puis quelle aventure en effet de faire éclore une langue quand d'autres sont terre. Dans l'optique du gang, le français est beau. Le français me plaît, je mise dessus et non pas sur le mauvais baudet. Ménélique est en piste, mais hors piste. Ni catégorie, ni style, le seul fait, j'existe. Ils mettent tout en œuvre pour que mes efforts tombent à l'eau. Ils dupliquent, répliquent et rendent mon art à l'eau. Néanmoins, je suis serein avec entrain sur le chemin, même si c'est pas le Rubicon. J'ai passé le Rhin, j'ai avancé par rapport au français sur un et le rap les s'étale sur un battement de nausée. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur, quelle aventure. On a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je me bats pour le futur, quelle aventure. Quelle aventure, c'est ce que prédisaient ensemble Nocé et Ménélique en 1995. Quelle aventure, c'est ce que s'apprête aussi à dire tout à l'heure président Chirac chez Tonton Drucker. Mais en parlant de quoi au juste? De sa présidence ou de son mariage? Va savoir. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre voyage dans l'univers des jaloux. De M. Bonaparte à M. Baudard, du dépit amoureux de la tigresse aux envies matérielles de Jean-Claude et de la fouille du sac à main au crime passionnel, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être la jalousie. Alors pour finir, la panique va t'offrir quelques conseils de bon sens pour éviter de déclencher une crise de jalousie mercredi prochain lors de ton fabuleux dîner de la Saint-Valentin. Pour vous, messieurs, il vaut mieux éviter d'offrir un flacon de parfum en déclarant que c'était le préféré de Françoise, votre ex. De la même manière, évitez de dire « Tu sais, t'inquiète pas, Françoise aussi, elle ratait toujours ses soufflets. » Et enfin, il n'est pas bon goût ce soir-là de dire « Tiens, tu sais pas, Françoise m'a appelé aujourd'hui, c'est dingue, non ?» Pour vous, mesdames, un seul conseil. Méfiez-vous, ils sont toujours suspicieux. Les jaloux, ouh, ouh, les jaloux, ouh, ouh, ont parfois l'humeur tracée. Cassière, quand il joue, ouh, ouh, avec vous, ouh, ouh, l'œil en colimaçon, tout rempli de soupçons, derrière la paupière, méfiez-vous, ouh, ouh, quand il vous, ouh, ouh, pose des questions singulières, où vas-tu, d'où viens-tu, dis-moi tout, où se casse tout, car les jaloux ont la moto, Ritter. C'était Bourvil qui se méfiait déjà des jaloux en 1955. Voilà, fin du 65e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi la jalousie, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Foutrac et archi loufoque. Panique comme Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Aux platines, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Michel Bertin et d'Alain Gadan. Merci aussi beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Anne Delalande, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain en direct. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct. Elle était un peu chaude. Et je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.